Son Excellence Alexandre le Hian, exceptionnellement hors de soi, alors que 6 mètres de lui habituellement, après avoir passé une engueulade maison au ministre de la Justice à propos du mauvais entretien du parquet d'Autre-Dieu et lui avoir intimé l'ordre de le faire remettre en bon état, vient de le congédier brutalement sur ces mots sèchement prononcés « Vous pouvez disposer !» Le ministre s'inclina et sortit sans demander son reste. Alexandre le Hian, calmé, se versa une troisième et large rasade pour se remettre de ses émotions. Mais se ravisant au moment de l'avaler, « Non, murmura-t-il, soyons raisonnables, ce sera pour tout à l'heure. » Et il la versa dans la poche de son gilet. Sur quoi, il ouvre une porte de communication et appela. « Léon ! Léon !» Léon, la migraine, car c'était lui qu'il s'agissait, accourut. « Excellence ! » !»« Ah, vous êtes là, mon ami !»« Mon Dieu, Excellence ! » !»« Oui, oui, je sais, depuis que vous pilotez nos deux amis de mardi 8h, vous n'êtes pas souvent mon secrétariat. Non, non, ne vous excusez pas, je ne vous en fais point grief, mais il m'est agréable de vous voir quelquefois. Excellence, souffla Léon, rouge de confusion. Au fait, comment vont ces braves Guilleneuf et Sylvain Étiré? Fort bien, Excellence. Ils sont enthousiasmés par tout ce qu'ils voient autre Dieu. Vous m'en voyez ravi. Il y a longtemps que j'ai eu le plaisir de les rencontrer. Faudra que j'y pense, mais les devoirs de ma charge me prennent le meilleur de mon temps. Et comment se porte Madame Le Hian? Eh bien, ça ne va pas très fort. Elle m'inquiète un peu en ce moment. Imaginez-vous qu'elle monte beaucoup moins son derrière en public ces temps-ci. C'est chez elle l'indice d'un mauvais état de santé et d'un dérèglement glandulaire. Il va falloir que je me décide à la faire examiner sérieusement. Et Mademoiselle Bethsabée, ah, elle par contre, en pleine forme. Elle vient de passer brillamment ses examens de fin d'année et d'enlever la première place au concours général de la pétasserie d'État, avec félicitations du jury. Elle est de première force dans les exercices pratiques et la directrice, Madame de Besmont, affirme qu'on n'a plus rien à lui apprendre. Vous lui transmettrez, je vous prie, mes compliments les plus chaleureux. Je n'y manquerai pas. Nous avons d'ailleurs organisé un de ces soirs une réunion intime au cours de laquelle nous lui demanderons de nous faire une petite démonstration à laquelle, j'en suis sûr, elle ne se dérobera pas. Mais au fait, je vous ai appelé pour quelque chose. Quoi donc, Excellence? Signalez donc à vos amis Guy et Sylvain que tout à l'heure, on va briquer le parquet au palais de justice. Ça les intéressera sûrement. Vous les accompagnerez pour qu'on ne les empêche pas d'assister à ce spectacle édifiant qui, je crois, vaut le dérangement. Merci mille fois, excellent, j'y cours. Alors, au revoir, mon ami, et à très bientôt. Le ministre de la Justice en avait pris pour son grade, mais c'est le temps pour dit. Ça n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, aussi bien ça ne traîna pas. Il convoqua, toutes affaires cessantes, le directeur des services d'entretien du ministère de la Justice, lui passa une engueulade terrible, lui cracha au visage, faisant qu'à une paire de gifles, lui décocha un grand coup de genou dans le bas-ventre et l'expédia un antidote et d'instructions précises. Les résultats ne se firent pas attendre. Durant plus d'une heure, ce fut dans les couloirs et les escaliers du ministère, une galopade effrénée. Coups de téléphone, cris, jurons, chutes, pleurs, grincements de dents, portes violemment ouvertes et fermées, cliquetis de machines à écrire, se succédèrent à une cadence accélérée. Et à 11 heures précises, 6 spécialistes assermentés du service d'entretien choisis parmi les plus habiles, le bâton à la main et le sac de travail en bandoulière, se présentaient à la porte du palais de justice sous la conduite de leur chef d'équipe en grand uniforme. Guy et Sylvain et Léon la migraine les rattrapèrent au moment où ils entraient et se mêlèrent à leur groupe. Après avoir franchi la grille, l'équipe s'arrêta et leur chef s'adressa au concierge. « Le parquet, s'il vous plaît, demanda-t-il. À gauche, sous la voûte, escalier C, premier étage, galerie de droite. Merci, dit le chef d'équipe, en exécutant le salut olympique. Et il passa, suivi de ses hommes, qui entonnèrent d'une voix vibrante le deuxième mouvement de la symphonie pastorale de Beethoven. À suivre, au doigt et à l'œil et au pied de la lettre. Pendant une heure, c'est une galopade effrénée dans les couloirs du palais de justice. Par un raccourci, qui ne fut d'ailleurs que compliqué et allongé le trajet, Léon la migraine mena Guy et Sylvain directement jusqu'au parquet où, planqués dans un coin, ils attendirent les événements. Ils n'attendirent pas longtemps. L'équipe d'entretien arriva promptement sur les lieux. Le chef d'équipe s'approcha d'un garde, lui fit le baisement d'usage et lui demanda « Pardon, monsieur, le parquet, C'est ici, vous désirez. Nous venons, dûment et légalement, mandaté par monsieur le directeur des services d'entretien, pour l'encaustiquer. Ah, parfaitement, je suis au courant. Nous avons reçu les instructions. Et mes collègues et moi sommes à votre entière disposition. Alcindor, Alcindor, aplatez, alertez immédiatement tous ces messieurs. On vient pour encaustiquer le parquet. Puis, se retournant vers l'équipe, si vous voulez me suivre, c'est par ici. Et si on ne veut pas suivre, dit le chef d'équipe, ce sera tout de même par ici, évidemment, répondit le garde en haussant les épaules. Mais alors, si cette éventualité devait être retenue, nous aurions très probablement au-devant de graves difficultés. Ce cas, inéluctablement, poserait une question de droit qui entraînerait un constat et du papier bleu lequel devrait vous être remis sous pli fermé à vous, une personne étant et parlant à votre service conformément à la loi. La procédure suivant son cours, il n'y aurait pas lieu d'espérer, sauf dans le cas improbable, où un jugement de référé interviendrait que là, c'est bon, coupa le chef d'équipe, ne compliquons pas la situation, on y va. Et l'équipe, chef en tête, pénétra à la suite du garde dans une grande salle nue. Voilà, dit le garde, c'est ici. C'est pas possible, protesta le chef d'équipe. Plaît-il, s'étonna le garde. Je dis, ce n'est pas possible. Mes hommes et moi sommes d'honnêtes pères de famille. Et la plus élémentaire pudeur vous interdit de travailler dans une salle nue. Nos principes et notre éducation s'y opposent formellement. Avez-vous les draperies ? Je pense que oui. Alors amenez-les. Le garde s'exécuta et quelques instants plus tard, la large tenture était mise en place, voilant la nudité de la salle qui prit aussitôt un aspect plus convenable et infiniment plus compatible avec la morale et la bienséance. Le chef d'équipe le jeta un coup d'œil satisfait. « Bon, très bien, comme ça, ça va, approuva-t-il. Envoyez le parquet !» Le garde désignant un groupe de gens de robe qui se tenaient dans l'encoignure d'une porte annonça. « Voilà ces messieurs. » Tout le monde est au complet ? Oui, voilà monsieur le procureur général, les substituts, les juges d'instruction et les greffiers. Eh bien, tout le parquet ? Oui, parfait. Allez les gars, au boulot ! À cet ordre, jeté d'une voix qui ne tremblait pas, les cinq hommes de l'équipe d'entretien se jetèrent sur les éléments constitutifs du parquet d'autre lieu, lequel, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, furent vigoureusement passés à la paille de fer. Le chef d'équipe, tout en encourageant et en dirigeant ses sous-ordres, avait les mots qu'il fallait pour que tout se passe avec tout le tact et la mesure requis en pareille circonstance. Et c'était un vrai régal de l'entendre dire « Pardon, monsieur le procureur, encore un petit coup sur l'oreille gauche, là. Très bien. Excusez, monsieur le substitut, vous êtes bien encrassé. Voilà, ça y est. Ce travail préparatoire mené à bonne fin et à toute allure, les spécialistes, à l'aide de leurs bâtons, passèrent alors les magistrats et les fonctionnaires du parquet à l'encaustique des pieds à la tête. Le chef d'équipe donna un coup de sifflet. « Stop !» s'écria-t-il. « Ça suffit. Attention, maintenant. Étendez et allongez tout le parquet par terre !» L'ordre incontinent fut exécuté à la lettre. « À mon commandement !» lança de rechef le chef d'équipe. « Brosse au pied droit, droit !» Les cinq spécialistes à cette injonction, appuyant sur leurs bâtons, ajustèrent chacun leur brosse à l'huile. « Allez-y, excebri !» L'équipe se mit en mouvement. Les hommes en mettaient un sacré coup et frottaient avec une énergie accrue. Et des merveilles de les voir œuvrer avec une telle conscience et une telle habileté. Quelques plaintes, il fallait s'y attendre, s'exhalèrent du parquet. « Allons, allons, messieurs du chef d'équipe, un peu de patience, c'est pour votre bien, allons. Au chiffon de laine à présent, et en mesure. Une, deux, stop, ça suffit, parfait. » C'était fini. Le parquet d'autre lieu, frotté, nettoyé, lustré, bichonné, brillait de mille éclats et de plus de 1500 reflets, tous plus étincelants les uns que les autres. Les avocats venus en grand nombre pour assister à ce spectacle se grillèrent d'admiration. Ce fut un haut général d'émerveillement. « Beau travail, hein, les gars, » dit Léon Labigraine. « Je crois bien, » prouvaillit. Et Sylvain enthousiaste. « Non, mais voyez le procureur, on peut se regarder dedans. » Et profitant de l'occasion, il alla rétablir l'harmonie de sa cravate en se mirant dans le nez du vénérable magistrat. Une jeune avocate, emportée par sa fougue juvénile, trébucha et s'écroula sur un juge d'instruction tellement bien ciré qu'il était glissant comme une patinoire. Guy et Sylvain tinrent absolument à aller serrer la main du chef et à chacun des hommes de son équipe. « Compliment, monsieur, » lui dit Sylvain. « Nous n'avons jamais rien vu de pareil du côté d'ici. » Et l'équipe, la fameuse équipe d'entretien d'autres lieux, après avoir astiqué les balances de la justice, graissé l'appareil judiciaire et donné un coup de plume au Dalloz, sortira, sous les acclamations de la foule, fière de son labeur accompli et consciente d'avoir œuvré utilement dans l'intérêt de la société pour la protection de la veuve et de l'orphelin et le juste châtiment des coupables présumés. À suivre. À toute pompe aspirante et refoulante. Thank you. Guy et Sylvain viennent d'assister avec enthousiasme et avec Léon la migraine à la parfaite remise en état du parquet de justice d'Autre-Lieu. En revenant du palais de justice, Léon la migraine, tout en discutant de l'événement avec Guy et Sylvain, s'arrêta un instant chez le pharmacien pour acheter des comprimés de chaussettes. Car à Autre-Lieu, on vend des comprimés de chaussettes, comme on vend des comprimés d'aspirine. Le principe en est d'ailleurs sensiblement le même. Toutes les chaussettes à Autre-Lieu, il convient de le reconnaître honnêtement, ne se vendent pas exclusivement en comprimés. Chez les bonnetiers, par exemple, elles se vendent sous la forme habituelle. Mais dans les pharmacies, on ne les limite qu'en comprimés. Les comprimés de chaussettes sont spécialement recommandés aux personnes pressées et leur usage se révèle particulièrement efficace en voyage ou en déplacement. Le mode d'emploi est d'une simplicité enfantine. Se présentant comme il est dit plus haut sous le même aspect que les comprimés d'aspirine, il suffit d'en faire 10 ou 2 dans de la sciure, préalablement délayée dans de l'eau légèrement dégourdie, pour obtenir en quelques secondes une très jolie paire de chaussettes, immettables certes, mais offrant à l'œil, agréablement surpris et étonné, le spectacle réconfortant du produit de la chimie et de l'industrie textile. Donc, Léon la migraine en acheta un tube et en offrit un à chacun de ses deux amis. « Eh bien, s'écria-t-il, coupant net à leur remerciement, ça fait combien de temps que vous êtes à Autre-Lieu ?»« Bientôt 2 mois, répondit Guy. 2 mois. Que le temps passe vite. Et vous ne vous ennuyez pas de Paris ?»« Pas le moins du monde, dit Sylvain. Tant de choses nouvelles retiennent notre attention. Tant d'imprévus sollicitent notre curiosité que nous avons l'impression de n'être en votre bonne ville que depuis 8 jours. Mais j'y pense, reprit Léon, et je m'excuse de ne pas y avoir pensé plus tôt, une question dont je ne me suis pas encore occupé. Quelle question ? Interrogea Guy. Eh bien, mais la question aux femmes. Eh oui, enfin quoi, vous êtes jeune, vigoureux, bien portant. Et, si je ne m'abuse, depuis votre arrivée à Autre-Lieu, vous confinez dans une abstinence peu en rapport avec le comportement habituel des gens de votre âge. Le fait est, vous voyez, nous en avons souvent parlé entre nous, Sylvain et moi, mais n'avons pas osé nous en ouvrir à vous jusqu'à présent. Vous avez eu grandement tort. Remarquez, moi, je vous en parle d'une manière absolument désintéressée. Vous savez que je me suffis largement à moi-même. Il ne tient d'ailleurs qu'à vous d'en faire autant, et si le cœur, si j'ose ainsi m'exprimer, vous en dit, mes amis du club se feront, comme je vous l'ai déjà proposé, un plaisir certain de vous accueillir à bras ouverts. Non, merci Léon, n'insistez pas, protesta Guy. Bon, j'aurais mauvaise grâce à le faire, mais ma proposition demeure toujours valable. Revenons donc à la question. Vous ne pouvez donc continuer à rester en cet état que, tout compte fait, je ne comprends pas très bien. Vous n'êtes pas que je sache du genre timide, de surcroît vous êtes tous deux doués d'un physique agréable, d'une aimable prestance. Bref, il ne manque pas Autre-Lieu de femmes jeunes et jolies qui ne demanderaient pas mieux que de ne pas jouer les cruelles avec vous. Oui, bien sûr, murmura Sylvain, mais n'est-ce pas notre situation d'étranger à Autre-Lieu, notre position vis-à-vis du gouverneur, qui n'a que des bontés pour nous. Raison de plus, le gouverneur est le premier à s'en étonner. Il m'en a parlé pas plus tard que la semaine dernière. Mais qu'est-ce qu'il fout de ces deux-là, m'a-t-il dit. Et il a immédiatement téléphoné à sa fille Betsabé à la pétasserie d'État pour qu'elle s'emploie à mettre un terme à cette situation anormale. Avec la propre fille de son Excellence, protesta Sylvain, ça me paraît quand même un peu délicat. Pourquoi ? Étonna Léon, c'est son métier, et un métier qu'elle a librement choisi, et est donc parfaitement qualifié pour résoudre le problème. Alors, demanda Guy, vous croyez que elle et nous deux, remarquez, répondit Léon, que l'État y a amené à bien toute seule la tâche qu'une demi-douzaine d'autres auraient du mal à accomplir. Mais c'est une fille qui a de la classe et de la mesure. Aussi amènera-t-elle avec elle une de ses camarades de promotion, presque aussi habile qu'elle et dont elle répond absolument. Alors dans ce cas, acquiesça Sylvain, nous aurions mauvaise grâce. Ok, exulta Léon. Je vais de ce pas donner un coup de fil pour annoncer votre accord et conclure heureusement cette affaire. Et le soir même, Betsabé le Hihan et une de ses amies, répondant, quand on l'appelait, au doux nom d'Évangéline, mais à qui, en raison de sa gentillesse et de sa compréhension, on avait donné le surnom de centre d'accueil, venaient se mettre à leur disposition. Guy et Sylvain en prirent livraison et leur firent la réception que l'on pense. Et les deux garçons connurent les deux filles. Pas au sens biblique du mot, bien sûr, car ils avaient du tact et du savoir-vivre. Ils couchèrent simplement avec. Mais ça n'alla pas plus loin. Enfin, pas plus loin que leurs possibilités. À suivre, en bon ordre et avec bonne conscience. Sylvain est tiré et Guy Lanneuf viennent de s'en payer une sacrée tranche en s'envoyant vachement en l'air avec Bethsabée Lehian et son amie Évangeline, surnommée centre d'accueil. Celui qui n'a pas connu le mois de mai à autre lieu ne sait pas ce que c'est. Et comme il ne sait pas ce que c'est, il ne peut pas en parler. Aussi n'en parle-t-il pas. C'est ce qu'il a de mieux à faire. Mais Guy et Sylvain savaient, eux, ce qu'était le mois de mai à autre lieu. Un mois ravissant, parfumé, enchanteur, léger. Aussi en parlait-il, sans trop en rien dire, car ils se contentaient d'en subir le charme et la douceur. Ils en profitaient pour faire de longues promenades à la campagne, parmi les vertes frondaisons, en compagnie de leur inséparable Léon la migraine, dont ils ne pouvaient plus se passer. Or, un jour de ce joli mois de mai, alors qu'ils venaient de s'engager dans un sentier forestier, Léon leur dit « J'ai guidé vos pas par ici, non, pas par hasard, et parce que je veux vous faire connaître un personnage que vous ne regretterez pas d'avoir rencontré. » « Ah, et qui donc, fit Sylvain ? Le professeur est là, mon Dieu. »« Le professeur est là, mon Dieu. » »« Et qu'est-ce qu'il fait ?»« C'est le conservateur du musée des eaux et forêts. »« Un vieil homme charmant, un peu dérangé, mais si gentil, plein de poésie. »« Et aimant la nature, par-dessus tout. »« Vous verrez, il vous plaira. »« On aperçoit d'ici sa maison. » En effet, enfouie parmi d'épais feuillages, apparaissait, charmante, dans sa simplicité, une demeure rustique. De grands arbres, des fleurs, des plantes grimpantes l'entouraient. Un ruisseau passait devant, des milliers d'oiseaux gazouillaient, bref, un véritable paradis terrestre. Assis sur le pas de la porte, un septuagénaire rêvassait, fumant le narguilé, les pieds baignant dans un récipient empli à moitié d'eau boriquée et d'extrait de jus de pomme. « C'est le professeur, » chuchota Léon la migraine. Puis, quand ils furent à deux pas de la maison, élevant un peu la voix, « Maître, fit-il, je vous amène des visites. » Le professeur, tiré de sa rêverie, sursauta et apercevant Léon sourit d'un bon sourire empreint d'une grande bonté. « Eh bien, mais, s'écria-t-il, n'est-ce pas là notre bon Léon la migraine en personne ? Quelle excellente idée d'être venu rendre visite à son vieil ami !» Léon présenta Guy et Sylvain et la glace immédiatement rompue, la conversation prit tout de suite un tour familier. « Je m'excuse, dit le professeur en sortant les pieds du récipient, mais je pratique ainsi depuis de longues années ce bain de pied quotidien. » À la suite d'un vœu que j'ai fait il y a bien longtemps et dans des circonstances qu'il serait oiseux de relater. De toute manière, rien de tel pour maintenir les extrémités en parfait état de propreté. Ainsi, monsieur le professeur, vous êtes conservateur du musée des eaux et forêts, dit Guy. Eh oui, mon jeune ami, j'ai cet honneur et ajouterai-je cet avantage. Et où se trouve ce musée ? Tournez-vous, à votre droite, à quelques mètres, ce bâtiment. C'est là. Guy et Sylvain subirent du regard la direction indiquée et ne virent absolument rien d'autre que des arbres et de la verdure. Léon mit un doigt sur sa bouche et profitant de ce que le professeur s'essuyait les pieds, il leur chuchota. « Je vous ai dit qu'il était un peu fondu, mais c'est sans danger. Il faut surtout pas le contrarier. Dans son imagination, c'est là qu'est le musée des eaux et forêts. Mais en réalité, il n'y a rien. »« Mais alors, où est-il ce musée des eaux et forêts ?» demanda Sylvain. « Mais nulle part, comme je vous le dis. Il n'existe que dans son imagination. » « Pourtant, objecta Guy. » porte bien le titre de conservateur du musée des eaux et forêts. Bien sûr, le professeur Elamondieu est un vieil ami du gouverneur Lehian, et celui-ci, pour flatter sa marotte bien inoffensive, lui a donné ce titre officiel qu'il comble de fierté et d'orgueil. « Votre musée, monsieur le professeur, est tout simplement une petite merveille, » dit Sylvain. Le vieil homme rougit de plaisir. « Heureux qu'il vous plaise, mon jeune ami. Ah, c'est que son édification, son installation, son aménagement m'ont donné beaucoup de mal. » Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de votre musée ? Mais rien, mon ami, absolument rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette dans un musée des eaux et forêts ? De l'eau, des arbres, des plantes, des fleurs, alors que tout ça pousse et prolifère en liberté dans la nature ? C'est dérisoire, n'est-ce pas ? Et sacrilège. Voilà pourquoi mon vieux camarade Alexandre Lehian m'a chargé d'édifier en cet endroit ce musée dont il m'a généreusement et officiellement donné le titre hautement flatteur pour lui, comme pour moi, de conservateur perpétuel. Ayant ainsi tenu ses propos contradictoires, il se retourne le bain de pied sur la tête. À suivre, l'essence apaisée et le sexe au repos. Devant Guy et Sylvain ébahis et Bobby, le professeur Elamon Dieu, conservateur perpétuel des eaux et forêts, vient, après avoir tenu des propos quelque peu contradictoires, de se retourner son bain de pied sur la tête. Ne voyez là, mes bons amis, en dépit des apparences, qu'un geste d'une rigoureuse logique. Ne serait-il pas injuste, après avoir pris soin de l'un des pôles de mon individu, de me désintéresser de l'autre? Et il reprit sa méditation. Ça ne tombe pas rond, dit Guy. Non, bien sûr, dit Léon la Migraine, mais qu'est-ce que ça peut faire? Et puis tout compte fait, qu'est-ce qu'il prouve? Comment qu'est-ce qu'il prouve? Il me semble que se retourner un bain de pied sur le crâne, ça ne prouve rien. Il ne vous arrive jamais de vous retourner sur quelqu'un dans la rue? Si. Et quel rapport? Le rapport absolu. Si vous retournez vous-même sur quelqu'un, pourquoi lui n'aurait-il pas, à plus forte raison, le droit de se retourner un bain de pied sur la tête? Guy ne répondit rien, car il n'y avait en effet rien à répondre. C'était l'évidence même. Quoi qu'il en soit, reprit Léon, c'est un homme parfaitement heureux. Il vit dans son rêve, croit que tout ce qu'il imagine est vrai, et comme il imagine que de jolies choses, avouez qu'il n'est pas à plaindre. Bien sûr, approuvèrent Guy et Sylvain. Le bon vieillard sortit de sa rêverie et consulta sa montre. Il se dressa de rechef et dit « Il faut maintenant, mes bons amis, que j'aille remplir mon devoir quotidien. C'est l'heure d'aller arroser ma fontaine. » Guy et Sylvain levèrent vers Léon un regard interrogateur. « Ah, explique à Léon, c'est la fontaine qu'il a fait élever en souvenir de la linotte. »« De la linotte ? » ?»« Oui, c'est toute une histoire. Il vous la contera sans doute, ou plutôt vous la fera lire tout à l'heure. » « Me ferez-vous l'honneur de m'accompagner, mes amis, dit le professeur Elamon Dieu ?»« Bien sûr, s'écrièrent-ils. » Le professeur prit un arrosoir, fit quelques pas dans la forêt et s'arrêta devant une petite fontaine placée au centre d'un parterre de roses rouges. De la fontaine elle-même, d'autres roses, d'un rouge plus sombre, épanouissaient également. Et sur une dalle de marbre, creusée d'une rigole où l'eau s'écoulait, on avait gravé « À la mémoire de la linotte ». C'était tout. Guy et Sylvain, intrigués, regardaient sans comprendre. Le vieil homme s'avança à pas lents, puis s'agenouilla et se recueillit un moment dans le grand silence de la forêt à peine troublée par le souffle de la brise et le gazouillis des oiseaux. Puis il se releva et pieusement arrosa les roses de la fontaine. Quand l'arrosoir fut vide, il demeura encore quelques instants silencieux, comme perdu en un songe lointain, puis il rompit le charme. « Voilà, dit-il. » Mais de grosses larmes coulaient le long de ses joues. Malgré eux, Guy et Sylvain avaient la gorge serrée. « Rentrons à présent, mes amis, reprit le professeur, le temps commence à fraîchir, nous allons prendre quelque chose à la maison. »« Mon bon maître, dit alors Léon quand ils furent installés, mes amis ne connaissent pas l'histoire de la linotte et ils seraient heureux. »« Ah, mes enfants, coupa le professeur, c'est une bien touchante histoire. »« Maître, interrogea doucement Guy, je m'excuse, mais qui était la linotte ?»« C'est vrai, vous ne savez pas. » »« La linotte était une petite rivière de France, morte il y a bien longtemps. » « S'il vous plaît, maître, dit Sylvain, contez-nous son histoire. »« Je vais faire mieux, car je me méfie de ma mémoire parfois défaillante. L'histoire de la linotte est contée tout au long dans ce livre, où je me suis plu à recueillir toutes les belles aventures des eaux et forêts. » Et le professeur Elamon Dieu ouvrit devant les deux amis un grand livre aux pages jaunies. « Voilà, c'est ici, indiqua le professeur. Lisez, mes amis. » Et Guy et Sylvain lurent ce qui suit. « À suivre, avec émotion. » et sensibilité. «